بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Donc, chers frères et sœurs en islam, on continue et on reprend toujours, inshallah, avec nos cours sur la croyance islamique, la croyance dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et je rappelle qu'on est en train de faire l'étude d'un texte classique qui est très connu et très fameux qui s'appelle... Comment il s'appelle ? Al-Aqidatu al-Tahawiyya, d'un grand savant de l'islam qui s'appelle Imam al-Tahawi, rahimahullah ta'ala, un imam du madhhab de l'imam Abu Hanifa, rahimahullah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Et de ce texte-là aussi, on se base sur une étude de ce texte qui s'appelle Sharh al-Aqida al-Tahawiyya, ça veut dire l'étude de ce texte classique-là qui est l'Aqida al-Tahawiyya de l'imam al-Tahawi, rahimahullah ta'ala, d'un autre savant, Imam Ibn Abi al-Izz, qui est aussi un Hanafi, du madhhab de l'imam Abu Hanifa, rahimahullah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Et on avait expliqué, pour faire un bref résumé comme ça, un bref rappel, que quand on parle de la croyance, est-ce qu'il y a une différence d'opinion sur les questions de croyance entre les grands imams de l'islam, entre plus particulièrement entre les quatre madhhab de l'islam, de la jurisprudence ? Est-ce qu'il y a des différences d'opinion ? Il y en a quelques-unes, n'est-ce pas ? Il y en a quelques-unes qui ne sont pas importantes, qui ne sont pas sérieuses, en quelque sorte. Ça veut dire, on les appelle des khilafs de furu', ça veut dire des questions de détail de la croyance. La seule différence d'opinion qui existe entre les grands savants de l'islam, entre les quatre madhahib et ainsi de suite, sur la question de la croyance et qui est sérieuse, c'est cette question-là de... Al-Iman, sur la question de la foi, sur laquelle le madhhab de l'imam Abu Hanifa, rahimahullah ta'ala, l'imam Abu Hanifa, rahimahullah, s'est distingué, n'est-ce pas, par un concept, une définition de la foi sur laquelle les autres imams ne s'entendent pas avec lui, qui est le fait que lui, il a dit que la foi, en tant que telle, en tant que concept, on le trouve où ? Dans le cœur, n'est-ce pas ? Il dit que c'est le tasdiq. C'est, première chose, c'est les croyances. Et deuxième chose, c'est les actions du cœur. Il ne dit pas, comme on l'a expliqué plusieurs fois, on le réexplique et on le rappelle. Imam Abu Hanifa, rahimahullah ta'ala, n'a jamais dit que les actions n'étaient pas importantes, que les actions ne faisaient pas partie de la religion. Tout ce qu'il dit, lui, c'est quoi ? C'est que la foi, c'est à l'intérieur du cœur. Mais qu'après ça, wa alaykoum salam, mais qu'après ça, les actions... C'est un fruit de la foi qui se trouve à l'intérieur du cœur. Donc, il nous dit ici la question de at-talazum, ça veut dire d'implication, de cause à effet, de cause à effet. Il ne faut pas comprendre ça de façon à dire que l'imam Abu Hanifa, il t'a dit, fais ce que tu veux, tu peux boire de l'alcool, ne pas faire ta prière et ainsi de suite. Et tu as quand même la foi, tu es un mu'min, tu es un bon croyant et ainsi de suite. Ça n'a pas de sens, c'est parce que l'imam Abu Hanifa, rahimahullah, lui-même, c'est un savant de la jurisprudence. Et la jurisprudence, on parle d'action, de halal et de haram, et ainsi de suite. Si la croyance pour lui, si la religion pour lui était limitée aux simples croyances, ce qu'il y a à l'intérieur du cœur, il n'aurait pas parlé de jurisprudence. Il aurait parlé de l'importance d'avoir la bonne croyance, et ça s'arrête là. Vous voyez ? À distinguer entre le madhhab de l'imam Abu Hanifa, rahimahullah, les ahnaf en général, et entre les autres sectes qu'on a appelées comme al-murji'a par exemple, n'est-ce pas, qui tombent dans l'excès, qui disent que la foi, que toute la religion, c'est à l'intérieur du cœur, que la yadurru ma'al imani dhanbun, yani tant que tu as la foi qui est à l'intérieur de ton cœur, fais ce que tu veux. Et le madhhab de al-Jahm ibn Safwan qui te dit que la foi c'est la simple connaissance d'Allah. Si tu connais Allah subhanahu wa ta'ala, tu es un croyant. Ça veut dire que ça va impliquer que même Iblis il va être un croyant, n'est-ce pas ? Et le madhhab de al-Karramiyya, une autre secte qui prétend que la foi c'est seulement ce que tu dis avec ta langue. Tant que tu dis que moi je suis musulman, et je suis croyant, khalas, tu vas entrer au paradis. Ça veut dire même si à l'intérieur de ton cœur, tu es un hypocrite. Et tout ça, bien sûr, ça n'a pas de sens. Ça, c'est des, on appelle ça des sectes. Mais quand on parle de l'imam Abu Hanifa, rahimahullah, les Ahnaf, ce n'est pas une secte. C'est une école de jurisprudence de Ahlu As-Sunna wal-Jama'a, des gens qui suivent la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sauf qu'ils font erreur sur ce point-là, n'est-ce pas? Parce qu'ils considèrent que la foi se trouve à l'intérieur du cœur, mais que ses fruits vont être nécessairement apparentes en termes d'action et de bonnes actions et de bons comportements en général. Et on avait dit qu'il y a une différence d'opinion entre les savants, le reste des savants. Est-ce que cette définition que l'imam Abu Hanifa rahimahullah ta'ala a donnée de la foi, est-ce qu'on va la tolérer ou bien on va être plus strict envers elle? Ça veut dire que certains savants, ils ont dit, bon, on s'entend sur l'idée générale que les actions font partie de la religion et ainsi de suite. Donc, khilaf ou lafdi, c'est une différence d'opinion symbolique sur la façon d'exprimer les croyances. Et les autres savants, ils ont dit, non, non, non. Même cette petite différence d'opinion dans la définition peut être une porte vers autre chose que quelqu'un va utiliser pour enlever les actions en quelque sorte et réduire de leur importance dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme j'ai expliqué, comme on va le voir aujourd'hui, inshallah, parce qu'aujourd'hui, on ne va parler que de foi, voyez-vous. Comme j'ai expliqué, ce chapitre-là de la foi, c'est probablement le chapitre le plus difficile et le plus complexe de tout le texte qu'on est en train d'étudier. Donc, c'est normal que parfois, vous allez vous sentir un peu perdu, n'est-ce pas? Si vous êtes perdu, si ce n'est pas compris, ainsi de suite, vous pouvez toujours me poser une question, on peut prendre notre temps à réexpliquer ainsi de suite, inshallah. Ce chapitre-là, et quand on va parler aussi des noms et des attributs, ça pourra aussi, il va y avoir quelques questions qui sont complexes un peu, inshallah. Autre chose, un avantage qu'on a à étudier un tel texte, qui est le texte de l'imam, yani, qui se base sur le madhab de l'Ahnaf, comme on va le voir, inshallah, à maintes reprises, n'est-ce pas, on va voir que les savants en critiquent. On va voir Imam Tahawi, l'auteur du texte, on va dire, il a dit tel et tel et tel, chose. Après ça, on va dire, les savants l'ont critiqué sur ça. Voyez-vous, c'est parce que Imam Tahawi, rahimahullah ta'ala, l'auteur de ce texte, à maintes reprises, il va essayer de combiner, de ramener ensemble le madhab de l'imam Abu Hanifa, rahimahullah, avec l'opinion des autres pieux ancêtres, et de combiner les deux. Et on va voir que parfois, ça va faire des choses un peu contradictoires. Voyez-vous, ça ne va pas avec. Donc, c'est intéressant qu'on a un texte comme ça, n'est-ce pas? Un texte pour qu'on soit plus tolérant, entre guillemets. Voyez-vous, tu commences d'un texte qui contient des choses qu'on va critiquer pour revenir à la bonne façon de voir les choses. À la place de voir avec, d'aller avec la bonne façon et de dire que tout le reste, c'est des choses qui ne sont pas sur la bonne voie ou bien sur la bonne méthode. Par exemple, regardez ici. Maintenant, on va parler, inshallah ta'ala, de on va parler de cette différence d'opinion entre l'imam Abu Hanifa rahimahullah ta'ala et entre les autres savants de l'islam. Donnez deux secondes. Donc, on va parler de cette différence d'opinion entre l'imam Abu Hanifa rahimahullah ta'ala et entre les autres savants de Ahlu As-Sunna. On essaye de comprendre ici qu'est-ce qui fait en sorte qu'il y a cette différence d'opinion entre l'imam Abu Hanifa rahimahullah ta'ala et entre les savants de l'islam, les autres savants de Ahlu As-Sunna wal Jama'a. Ça veut dire pourquoi est-ce que l'imam Abu Hanifa rahimahullah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala, il nous dit que la foi c'est seulement ce qui est à l'intérieur du cœur. Regardez c'est quoi les arguments de l'imam Abu Hanifa rahimahullah, les arguments principaux, et après ça on va prendre argument par argument, inshallah subhanahu wa ta'ala. Première chose, Imam Abu Hanifa rahimahullah, il dit que dans la langue arabe, le mot iman, qui signifie en général foi, comme on le traduit habituellement, ça réfère à ce qu'on appelle at-tasdiq. At-tasdiq, c'est quoi? Ça peut vouloir dire la croyance. Ou bien, si on veut être plus précis, at-tasdiq, c'est quand tu témoignes de quelque chose, c'est quand tu approuves quelque chose. Le frère, il me dit, hier, il y avait beaucoup de personnes qui étaient présentes à la halaqa. Ça, c'est le frère qui le dit. Mais tant que moi, je n'étais pas à la halaqa, voyez-vous, si je crois en ce qu'il est en train de me dire, on appelle ça dans la langue arabe, at-tasdiq. Ça veut dire, c'est comme si j'approuve, ou saddiq. Voyez-vous, j'approuve ce qu'il est en train de me dire. Je le crois, je confirme cette information. C'est ce qu'on appelle at-tasdiq. Donc l'imam Abu Hanifa rahimahullah ta'ala, il nous dit la foi est égale à la croyance parce que dans la langue arabe avec laquelle le Coran a été révélé et avec laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé, et comme on le sait tous et comme on le rappelle, à chaque fois, n'est-ce pas notre règle principale pour interpréter le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de toujours se référer à la langue arabe, et plus particulièrement la langue arabe qui existait lors du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour la simple raison que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le Coran a été révélé dans sa langue, Qur'anan arabiyan, ghayra dhi 'iwajin. Donc l'imam Abu Hanifa, il dit quoi ? Venez, on va revenir à cette règle. On va interpréter ce mot-là qui est l'iman avec la langue arabe qui est la langue des Arabes lors du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et selon cette règle-là, il nous dit quoi ? L'iman, le mot iman est égal à le fait de croire. Croire à ce que quelqu'un est en train de nous dire. Donc, la foi est égale à la croyance. La foi est égale à la croyance. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple, quand il nous dit des frères de Yusuf alayhi salam, prophète Yusuf alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans son histoire, vous allez voir le verset, inshallah wa ta'ala, après ça dans les notes, وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ. Tu ne vas pas croire en ce qu'on est en train de te dire, même si on est en train de dire la vérité. Et Allah subhanahu wa ta'ala a utilisé le mot mu'minin, n'est-ce pas ? Même dans la langue courante, dans certains pays, disent quoi ? Amenni, ça veut dire tu me crois, tu me fais confiance. Est-ce que tu crois en ce que je suis en train de dire ou bien tu ne le crois pas? Un autre argument. Imam Abu Hanifa rahimahullah subhanahu wa ta'ala, il te dit que en réalité ce que Allah subhanahu wa ta'ala il veut de nous à l'origine, l'essence de ce que Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala il veut de nous, wa alaykoum salam wa rahmatoullah, c'est de croire en le prophète alayhi salatu wa salam. Tant que tu crois en ce message du prophète alayhi salatu wassalam, n'est-ce pas, c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala il veut de toi. Donc ça implique que la foi égale la croyance. Autre chose, il dit quoi? Il dit que l'iman, c'est l'opposé de iman, c'est l'opposé de kufr. Ok, on a iman et on a kufr dans la langue arabe. Il te dit l'imam Abu Hanifa rahimahullah ta'ala, al-kufru huwa al-takdhib wal-juhud. Et vu que la définition de al-kufr, de la mécréance, c'est quoi? On va parler de ça en détail un peu plus tard, inshallah. C'est al-takdhib et al-juhud. Al-takdhib, c'est de traiter quelqu'un de mensonge, de menteur. Voyez-vous, c'est quand tu... ça c'est le contraire de la croyance. Donc le frère, comme on l'a dit, m'a dit hier, il y avait beaucoup de personnes à la halaqa. Je veux dire, c'est pas vrai, t'es un menteur, c'est un mensonge. C'est ce qu'on appelle al-takdhib, ou kadhib qawla fulan. Donc l'imam Abu Hanifa rahimahullah, il te dit que la mécréance, c'est quoi? Le kufr, c'est quoi? C'est le fait de traiter le prophète alayhi salatu wasalam de menteur. Ça veut dire de rejeter ce message qu'il est en train de nous ramener, n'est-ce pas? Ou bien al-juhud, ça veut dire quelqu'un qui y croit en réalité dans son cœur, mais même avec ça, il va rejeter en apparence. Il va dire non, non, ce que tu dis, ce n'est pas quelque chose qui est vrai, voyez-vous, c'est comme al-juhud, regardez. La définition d'al-juhud, c'est quoi? C'est quand le cœur, il croit en quelque chose, mais que la langue ne témoigne pas de cette croyance. Elle va dire le contraire. Un enfant qui grandit et son père qui vieillit, son père va commencer à lui dire, est-ce que tu te rappelles pas quand tu étais jeune, je t'ai pris en charge et je t'ai acheté telle chose, et j'étais un bon père pour toi, etc. Et son fils, qu'est-ce qu'il va faire? Il va yajhadou, va dire non, non, c'est pas vrai, t'étais pas un bon père, et ainsi de suite, tout en sachant que en réalité, c'était un bon père. N'est-ce pas ce qu'on appelle al-juhud? Il rejette en apparence quelque chose à laquelle il croit en réalité. Allah subhanahu wa ta'ala, aussi un autre argument de l'imam Abu Hanifa rahimahullah. Écoutez bien cet argument, il est très important. C'est parce que cet argument-là, de cette phrase-là, si tu te trompes sur ce concept-là, tu risques de déraper en quelque sorte, soit à droite ou bien à gauche, comme on va le voir, inshallah ta'ala, quand on va parler de l'Khawarij et de aussi Al-Murji. Ils disent quoi ? وَلِأَنَّهُ لَوْ كَانَ مُرَكَّبًا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ. Imam Abu Hanifa rahimahullah, il te dit que si la foi était composé de croyances et d'actions. en plus des croyances. Regardez bien, la foi, on l'avait expliqué la dernière fois. N'est-ce pas? On l'avait dit que les arguments du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous indiquent que la foi est composée de croyances et d'actions, que les actions font partie de la foi. Donc, eux, ils vont dire quoi? Mais ils vont dire, attention, si tu inclus les actions à l'intérieur de la foi, ça implique que si les actions sont manquantes, si quelqu'un ne remplit pas certaines actions, qu'est-ce qui va exister? Qu'est-ce qui va se passer? Le iman ne va plus être là. Ça veut dire, puisque le iman est composé de croyances et d'actions, enlève quelques actions et le iman n'existera plus, ne sera plus bon. Ça veut dire que cette personne-là va tomber dans le coffre. Alaykoum salam wa rahmatoullah. Ça veut dire que la personne est tombée dans la mécréance. Et ça, c'est la croyance de quoi? De quelle secte? Des khawarij, n'est-ce pas? On avait dit que les khawarij, ils croient que si quelqu'un, il faille à certaines bonnes actions, ou bien il commet certains interdits majeurs, il va sortir de l'islam, il va devenir un mécréant. On avait dit que ça, c'est une secte dangereuse. On va parler de ces dangers plus tard, inshallah ta'ala. Mais cette secte-là de al-khawarij se sont basés sur le même argument. Mais ils l'ont regardé de la façon qui est inverse. Ils ont dit non, les actions font partie de la foi. Et puisque les actions font partie de la foi, si tu enlèves les actions, la foi n'existe plus. N'est-ce pas? Ils te disent, c'est comme cette salle, ça c'est une salle de cours. Si tu enlèves les tables, tu enlèves les chaises, ça ne sera plus une salle de cours. Ça va être un espace ouvert, mais ce ne sera plus une salle de cours. Tu ne pourras plus l'appeler une salle de cours. Bien qu'il y ait autre chose, les murs et ainsi de suite. Voyez-vous? Donc, Imam Abu Hanifa, rahimahullah, c'est basé sur le même argument. On va voir que ce n'est pas nécessairement un argument qui est valide. Et après ça, un autre argument que l'imam Abu Hanifa, rahimahullah, ta'ala, a utilisé, c'est quoi? وَلِأَنَّ الْعَمَلَ قَدْ عُطِفَ عَلَى الْإِيمَانِ وَالْعَطْفُ يَقْتَضِي الْمُغَيَرَ. Il dit, regardez, dans le livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala, on trouve souvent une combinaison entre la foi et entre les bonnes actions. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. N'est-ce pas? Ceux qui ont la foi, ceux qui ont cru et qui ont fait les bonnes actions. Est-ce que vous connaissez, est-ce que vous avez tous lu déjà des versets comme ça dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala? Il y en a plein, n'est-ce pas? إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Ceux qui ont cru et qui ont fait les bonnes actions. Et ici, dans ce verset-là, ça veut dire « waou, waou l'atf », n'est-ce pas? Et, conjonction de coordination, « taqtadi al-mughayara ». Il te dit, puisque ça dit « et », ça veut dire que la croyance est une chose et qu'après la croyance, il y a autre chose qui est les bonnes actions. Ça veut dire que les bonnes actions ne font pas partie de la croyance et de la foi et de l'iman. Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant? Est-ce que c'est sûr que c'est clair pour tout le monde? Si vous avez des questions, s'il vous plaît, comme j'ai dit, ne soyez pas gênés. C'est normal d'avoir des questions sur ce chapitre-là et d'avoir beaucoup de questions. Taïe. On va maintenant faire al-munaqasha. Ça veut dire débattre de ces arguments. L'un après l'autre, bi-idnillahi subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Première chose. Pour ce qui est de la question de l'iman. Imam Abu Hanifa rahimahullah ta'ala avait dit que l'iman dans la langue arabe c'est égal à at-tasdiq, c'est égal à la question de croyance en tant que telle. Les savants, les ulama de l'islam, ils ont répondu pour dire que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas nécessairement le iman, ça veut dire le mot iman dans la langue arabe n'est pas égal à croyance, n'est pas égal à tasdiq. Ça, on ne pourra pas s'étendre sur ça, c'est parce que c'est des choses qui sont reliées à la langue arabe. C'est un cours qui est en français, n'est-ce pas? On a besoin de règles dans la langue arabe pour pouvoir établir c'est quoi la différence entre l'iman et entre at-tasdiq. On ne va pas entrer dans ces détails-là qui pourraient ne pas être nécessairement utiles. Mais regardez, on va passer à la deuxième réponse que les ulama ils ont dit. On va dire, on va assumer que c'est vrai, que dans la langue arabe, l'iman égale à la croyance. Ça veut dire ce qu'on appelle dans la langue arabe at-tasdiq. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Que ça veut dire que dans la langue arabe est égal à at-tasdiq. Écoutez bien ça, c'est très important. C'est pas seulement pour ce cours, c'est très important en général. La règle encore une fois, dans l'explication des textes du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de se référer à la langue arabe. Concentrez-vous bien, s'il vous plaît, parce que comme on le répète toujours, ici c'est un cours académique, on veut apprendre, n'est-ce pas? On veut apprendre comment réfléchir, comment penser, comment comprendre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. On ne veut pas seulement passer des informations comme ça, n'est-ce pas, du par cœur et vous dire c'est comme ça la croyance, voilà les versets à connaître par cœur. Ce n'est pas ça le but. Ce n'est pas un cours sur la croyance simplifiée, c'est un cours académique. À n'importe quel moment lors duquel tu dois définir quelque chose dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce que tu dois chercher? Tu cherches sa définition dans la langue arabe. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que tu t'arrêtes là? Non. Tu vas chercher aussi sa définition dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'on appelle al-haqiqatu al-shar'iyya. Parfois, il y a des choses qui ont été définies par la religion elle-même, par le prophète alayhi salatu wa salam, par Allah subhanahu wa ta'ala dans al-Qur'an al-Karim. Et dans cette situation-là, on va voir la définition linguistique dans la langue arabe et la définition religieuse. Et c'est laquelle qui va primer quand on parle de religion ? C'est la définition religieuse. Ça veut dire, dans ce genre de situation-là, la définition linguistique, on va la mettre au deuxième niveau. On va donner un exemple de ça. Un mot qu'on trouve souvent dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quoi ? C'est « as-salat ». N'est-ce pas ? « Salat », c'est très fréquent dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. « As-salat »,« as-salat », »,« as-salat ». Quand on arrive à salat, on va dire, ok, moi je viens de trouver ici un verset qui me dit « Wa aqimu as-salat, établissez la salat ». Moi je veux comprendre ce verset, je ne connais rien, je veux comprendre ce verset, n'est-ce pas? Salat, comment est-ce que je peux l'interpréter? Je vais chercher dans la langue arabe, je vais trouver que la définition de la salat dans la langue arabe, c'est quoi? C'est ad-du'a, c'est les invocations. C'est la prière en général. Ça veut dire c'est prier Dieu, n'est-ce pas? Quand tu lèves tes mains comme ça, tu fais tes doua dans la langue arabe, ça s'appelle salatun. Ok? Est-ce qu'on va s'arrêter là? Est-ce qu'on va dire établissez la prière, ça veut dire faites la salat, n'importe quelle salat, n'importe quelle invocation, n'importe quelle prière, tant que tu fais des doua dans ta vie, ça veut dire tu as établi la prière? Non. On va chercher plus. Est-ce que la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala est venue pour nous désigner une définition spécifique d'une forme spécifique de salat? Est-ce que oui ou non? Oui. La salat, c'est quoi dans la définition, dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala? C'est des actions particulières d'adoration d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala qui contiennent des soudouds et des rukous et des lectures du Qur'an Karim et ainsi de suite, qui commencent par le takbir, Allahu Akbar, et qui se terminent par Assalamu alaikum. C'est ça la définition de la prière. Donc là, quand je viens, moi, interpréter les versets dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala qui contiennent le mot salat, ou aqimu salat, est-ce que je vais considérer ici la définition linguistique ou bien la définition religieuse? Religieuse. Voyez-vous, je ne peux pas interpréter la salat dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala de par sa simple définition linguistique. C'est parce que la définition linguistique, là, on va la mettre au deuxième niveau. C'est parce que l'islam est venu pour nous demander une salate particulière, pas n'importe quelle salate. Voyez-vous? La même chose pour la zakat. La zakat, qu'est-ce que ça veut dire dans la langue arabe? C'est la purification, n'est-ce pas? C'est la purification. Donc là, c'est pour purifier nos biens, purifier notre argent, purifier notre cœur. Donc quand Allah subhanahu wa ta'ala dit « wa atu zakat », quelqu'un va dire « dans la langue arabe, c'est la purification, ça veut dire purifier votre âme ». Non, on va dire ça, c'est la définition linguistique. Mais là, la religion est venue pour nous imposer une définition religieuse particulière de la zakat. Qu'il y a une façon spécifique de donner de l'argent avec certaines conditions, le 2,5% pour ce qui est des biens monétaires et ainsi de suite. Voyez-vous, là pour le iman, c'est la même chose. On va assumer, théoriquement comme ça, pour simplifier les choses, que ok, ce que l'imam Abu Hanifa, rahimahullah, il dit, que le iman égale la croyance, égale le tasdiq, on va dire, on va assumer que ça, c'est vrai. Mais, dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'islam est venu pour nous imposer une définition particulière de la foi, de l'iman, d'une façon particulière de tasdiq, qui est quoi? Le tasdiq, la croyance qui implique des actions et l'obéissance d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Est-ce que c'est clair? Wadih? Oui. Oui. Et c'est quoi la divergence entre Abu Hanifa et les autres? La divergence entre Imam Abu Hanifa rahimahullah ta'ala et les autres savants, c'est que les autres savants, je le rappelle, ils disent que le iman, c'est les croyances du cœur, les actions du cœur, mais aussi les actions externes, les actions de notre corps. Imam Abu Hanifa rahimahullah, il dit que la foi, l'iman, c'est seulement les croyances qui sont à l'intérieur du cœur et qui impliquent par la suite les actions, que ce soit les actions du cœur ou bien aussi les actions de notre corps. C'est clair? Autre chose, regardez. Si on va assumer encore une fois que le iman est égal à at-tasdiq. Si on va assumer que le iman égale at-tasdiq. Je réexplique encore une fois, même si je sais que c'est ennuyant. Je réexplique à chaque fois, mais c'est important pour que vous puissiez bien comprendre, inshallah ta'ala. Je répète que le tasdiq dans la langue arabe, c'est quoi tasdiq? C'est ce qu'on traduit habituellement de façon simple comme étant croire. Croire en quelque chose, voyez-vous? Même si en réalité, c'est plus précis que ça. Ça veut dire, si on regarde le mot en tant que tel, tasdiq, ça nous donne un certain sens d'approbation. J'approuve ce que tu es en train de dire. Rappelez-vous bien de ce mot qui est l'approbation. Maintenant, le tasdiq dans la langue arabe n'est pas nécessairement seulement par le cœur. Ça peut être aussi par les actions. Ça veut dire tu peux approuver, tu peux faire le tasdiq avec tes actions et pas seulement avec ton cœur. Quelle est notre preuve pour ça? C'est un hadith du prophète alayhi salatu wasalam. Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wasalam il a dit? Al-aynani tazniyani wa zinahuma an-nazar. Il a dit les yeux, le prophète sallallahu alayhi wasalam il a dit les yeux commettent la fornication. Et leur fornication c'est quoi? C'est le regard. Et après ça il a dit le prophète sallallahu alayhi wasalam et les oreilles et les mains, et les pieds, et ainsi de suite. Mais après ça, qu'est-ce qu'il a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à la fin du hadith? وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ وَيُؤَوْ يُكَذِّبُهُ أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Et les parties intimes de la personne vont faire soit le tasdiq, ça veut dire l'approbation de toute la fornication d'avant des autres parties du corps, ou bien elles vont les rejeter. Ça veut dire c'est là où ça va faire en sorte qu'il va avoir vraiment la fornication majeure ou non. N'est-ce pas? Donc là, al-fardu yusaddiqu, n'est-ce pas? C'est une approbation, c'est un tasdiq avec l'action. Donc parfois, l'approbation, la croyance est avec l'action. Donc quand Allah subhanahu wa ta'ala, il veut de nous la foi, même au sens de la croyance, même au sens de al-tasdiq, de l'approbation, ici Allah subhanahu wa ta'ala, il veut un certain tasdiq qui est dans le cœur, mais aussi avec les actions, que tu prouves avec tes actions que tu y crois vraiment. Vous comprenez? Est-ce que c'est clair? Non. Après ça, comme on l'a dit, ils disent, par exemple, que Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'il veut de nous, c'est la croyance. Ça, c'est le deuxième argument. Que tant que toi, tu crois au prophète, alayhi salatu wasalam, ce que le prophète, alayhi salatu wasalam, il te dit que ça c'est le bien, que ça c'est le mal, il y a le paradis, l'enfer, que ça c'est haram, ça c'est halal. C'est ça ce que Allah subhanahu wa ta'ala il veut de toi. Ça c'est un deuxième argument. Donc ça veut dire que la foi c'est sa définition est dans le cœur et elle donne ses fruits après ça par les actions. On va dire non, c'est pas vrai. C'est pas tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala il veut de nous. Que Allah subhanahu wa ta'ala il veut de nous une foi qui contient aussi les actions. Regardez ici, on a un hadith du prophète alayhi salatu wasalam dans Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim. Qu'est-ce qu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Al-imanu bid'un wa sab'una shu'ba. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la foi est composée d'un peu plus de 70 branches. Ça veut dire ici l'exemple de la foi c'est quoi? C'est comme l'exemple d'un arbre, n'est-ce pas? Vous devez toujours vous rappeler de cet exemple. Le meilleur exemple pour comprendre la foi c'est l'exemple de l'arbre. N'est-ce pas? بِضْعُنْ وَسَبْعُونَ شُعْبَ. Que cet arbre-là, il donne des fruits. Il y a des branches. Qu'est-ce qu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'est quoi ces branches-là de la foi? Est-ce que les branches de la foi, c'est seulement connaître Allah, connaître les anges et ainsi de suite? Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit أَعْلَاهَا قَوْلُ لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهِ. La branche la plus haute de la foi, c'est de dire لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهِ. Ça, c'est la plus haute, la plus noble branche de la foi de l'Iman. Et après ça, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ. Et la branche la moins élevée de la foi, c'est quoi? C'est إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ. C'est le fait d'enlever le mal qui se trouve dans le chemin des gens. Cette action-là, cette branche de la foi, est-ce que c'est une croyance? C'est une action. إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ. N'est-ce pas? Tu vas enlever un mal du chemin des gens. Et après ça, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَا الْإِيمَانِ. Et la pudeur constitue aussi l'une des branches de la foi. La pudeur en tant que telle aussi, c'est un comportement, c'est une action du cœur. Voyez-vous, c'est un aspect moral, ce n'est pas une simple croyance. Ça veut dire que tout ça, c'est des branches de la foi. La prière est l'une des branches de la foi. Le jeûne, c'est l'une des branches de la foi et ainsi de suite. Ça veut dire la foi, ce n'est pas seulement les croyances, ça inclut aussi les actions, comme c'est très clair dans le livre d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Donc, cet arbre-là, qui est l'arbre de l'Iman, n'est-ce pas? Il a une source, il a des racines. Et la racine de la foi, c'est quoi? Non, ça c'est « qawlu la ilaha illallah ». Ça c'est une action, n'est-ce pas? C'est la parole en tant que telle. C'est quand on parle des actions, la parole la plus haute de la foi, c'est le fait de dire « la ilaha illallah ». Mais les racines de la foi, c'est quoi exactement? Les croyances et... Ça, c'est quelque chose à écrire, inshallah ta'ala. Je pense que j'avais oublié de le mentionner la dernière fois. Quelque chose à écrire. C'est quoi les trois degrés? C'est quoi les trois composantes de la foi? On a trois composantes de la foi. Oui, mon frère. Le cœur, la langue et les actions. Non, ça, c'est les trois composantes. Ça veut dire... qui sont reliés à notre corps, où se trouve la foi en tant que telle. Mais là, on va parler des trois niveaux de la foi. C'est quoi les trois niveaux de la foi? Écoutez bien. Premier niveau de la foi, c'est quoi? C'est la source, la racine de la foi. Ça, c'est quand ce niveau-là n'existe pas, la foi n'existe pas. C'est aussi simple que ça. Et c'est quoi cette racine de la foi? C'est la croyance combinée à l'amour et la soumission. Je répète, c'est la croyance combinée à l'amour et à la soumission. Ghayatul hubbi wa ghayatu al-khudu'. C'est ça les deux piliers de l'adoration d'Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Qui pourrait nous expliquer cette définition qu'on vient de donner? La racine de la foi, le fondement de la foi, la source, l'essence de la foi, tout commence par ce niveau-là. Ça veut dire, celui qui n'a pas ce niveau-là, Allah subhanahu wa ta'ala n'acceptera pas sa foi. Ce n'est pas un croyant. Auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas un croyant. Qui pourrait nous expliquer cette définition? La croyance, c'est quoi la croyance? Croire en les bases de la aqidah, de la croyance. Croire en Allah subhanahu wa ta'ala, en le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les anges, les livres et ainsi de suite. Ça veut dire les bases de la croyance en tant que telle. Mais est-ce que la croyance à elle seule est suffisante? On répète. Ça veut dire est-ce qu'elle est suffisante même pour le niveau zéro, là, même pour le minimum requis? Non. N'est-ce pas? C'est parce que comme on le réexplique à chaque fois, le meilleur exemple que tu peux prendre c'est Iblis. N'est-ce pas? Iblis, est-ce qu'il avait la croyance? Oui, il avait la croyance, n'est-ce pas? C'est très clair dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala que Iblis, il croyait que Allah subhanahu wa ta'ala c'est le créateur. Il a dit khalaqtani. Il croit que c'est Allah subhanahu wa ta'ala c'est son créateur et c'est le créateur de Adam. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Est-ce que Iblis il croit en les anges? Oui, il était avec eux quand Allah subhanahu wa ta'ala a donné l'ordre de se prosterner. Est-ce qu'il croit en les messages et les messagers? Oui, c'est parce qu'il a vu le premier prophète d'Allah, qui est Adam alayhi salam, n'est-ce pas? Et oui, c'est parce qu'il est l'ennemi des prophètes et des messagers. Tout ce qu'il fait Iblis, n'est-ce pas, c'est quoi? C'est de détourner les gens des messages des prophètes et des messagers. Ça veut dire qu'il sait c'est quoi le halal, c'est quoi le haram. Est-ce que Iblis, il croit au jour dernier? Oui, il a dit « قَالَ رَبِّ أَنْدِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ » Il a dit « Accorde-moi un délai jusqu'au dernier jour ». Est-ce qu'il croit au feu de l'enfer? Oui, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit que je vais te mettre en enfer et c'est pour ça qu'il a demandé un délai. Est-ce que Iblis il croit au qadar? Oui, il a dit qala rabbi bima Aghwaytani, il a dit mon Seigneur, de par, n'est-ce pas, l'égarement que tu as écrit sur moi. Ça veut dire, il croit dans le qadar. Ça veut dire, Iblis, il a la croyance. N'est-ce pas, les piliers de la croyance, il les connaît, Iblis. Mais la croyance en tant que telle, ce n'est pas suffisant pour avoir ce niveau qui est minimum, qui est la racine de la foi. C'est parce que ça doit être une croyance qui est combinée à l'amour. Tu aimes cette croyance, tu aimes Allah subhanahu wa ta'ala, tu aimes la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, et aussi à la soumission, n'est-ce pas? Tu décides de te soumettre à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, de prendre le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu as ça, c'est ce qu'on appelle les racines. Ça veut dire ça, c'est la source de toute autre chose qui va venir par la suite. Donc ça, c'est le niveau, tu peux dire zéro. Ce n'est même pas le niveau 1, c'est parce que ça, c'est vraiment le requis. T'as pas ça, t'as pas la foi. C'est aussi simple que ça. Après ça, le niveau qui vient après, c'est quoi? C'est le iman qui est requis, le iman qui est obligatoire, le iman qui est nécessaire. Et ça, c'est le fait de remplir à toutes les obligations et de t'éloigner de tout interdit. De remplir les obligations et de s'éloigner des interdits. C'est ça ce que Allah, c'est ça le minimum que Allah subhanahu wa ta'ala veut de nous pour qu'on puisse être garanti d'avoir le salut auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire, si Allah subhanahu wa ta'ala vient le jour dernier, en ayant fait toutes les obligations en général et en ayant évité tous les interdits, Allah subhanahu wa ta'ala lui garantit le paradis. Et lui garantit qu'il ne sera pas puni par Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Maintenant, ce n'est pas attention, ce n'est pas des blocs. On va voir que le iman, n'est-ce pas, c'est dynamique, ça monte et ça descend. Ça veut dire que ce n'est pas niveau zéro, après ça, il y a des gens, il y a un milliard de personnes au niveau zéro, puis après ça, un million de personnes au niveau... Non, c'est entre les deux. Hum darajatun inda rabbihim. Le iman, ça monte et ça descend. On va parler, inshallah, tout à l'heure, on va voir toute une section sur ça. Après ça, on a le dernier niveau de l'iman qui est quoi? Le iman optionnel. Qui est « wa fi dhalika falyatanafasi al-mutanafisun » qui n'a pas de limite, qui est le fait de faire le plus de bonnes actions que tu peux, et ça c'est la concurrence entre les gens pieux qui veulent se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça veut dire faire les actions en plus, donner de la sadaqa en plus, faire du jeûne en plus, n'est-ce pas, faire de bonnes actions qui sont optionnelles, qui ne sont pas obligatoires, mais qui viennent parfaire ta foi et faire augmenter encore ta foi encore plus auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous êtes certain que ça c'est clair? C'est parce que ça c'est très important. C'est l'un des éléments les plus importants sur ce chapitre-là, de bien comprendre c'est quoi les niveaux de la foi, de l'iman. Non. Je vais dire, ça c'est comme les étapes de l'iman, c'est-à-dire la première chose qu'on doit avoir, c'est la racine de la foi, et par la suite l'iman requis nécessaire, et par la suite les actions. Exactement. Le premier niveau, n'est-ce pas, quand la personne, elle a les racines de la foi, comme on les a expliqué tout à l'heure, qui sont la croyance qui vient avec l'amour et la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, la personne auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est véridiquement entrée dans la religion de l'islam. Ça veut dire, c'est un musulman, zahiran wa batinan. Auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un musulman, un vrai musulman, n'est-ce pas? Mais il n'a pas encore atteint le degré de iman. Parce que pour vraiment mériter le mot de iman, et on va parler de ça plusieurs fois, inshallah, on va voir ça sous différents angles, vous allez voir que ça se confirme de tous les angles, inshallah. Pour atteindre le niveau de iman, pour mériter auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala d'être appelé vraiment un mu'min, c'est quand tu fais le iman qui est obligatoire. Ça veut dire faire les obligations et éviter les interdits. Tant que la personne n'a pas atteint ce niveau-là, elle est encore au niveau de l'islam. Elle n'a pas encore atteint le niveau de l'iman. Et quand la personne elle dépasse ce niveau, elle commence à faire les bonnes actions, sabiquna bil khayrat, là elle monte dans le niveau de l'ihsan, de la perfection dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est clair? Non. Ok. Oui. La question, en fait, c'est si on prend le premier niveau, on a l'amour et la soumission, connaissance. Si par exemple on prend juste la soumission, est-ce que ça peut avoir une soumission sans remplir les obligations et s'éloigner des... Non, c'est parce que c'est ça. La soumission, ce qu'on veut dire par la soumission, c'est l'obéissance. Ça veut dire le vouloir d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez la différence entre les deux. C'est très bien que le frère a posé cette question-là. Il y a une différence entre l'obéissance et entre la soumission. Quelqu'un peut être soumis sans arriver nécessairement au niveau de l'obéissance. Ça veut dire un musulman qui boit de l'alcool. Un musulman qui boit de l'alcool. Est-ce qu'il est sorti de l'islam? Non. Ça, c'est l'opinion de Khawarij. Je le rappelle, n'est-ce pas? On va le voir plus tard, inshallah ta'ala, que c'est les Khawarij qui vont dire « Ah, il a bu de l'alcool, il va sortir de l'islam. » De musulman, il devient mécréant. Donc, lui, il n'a pas obéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais pourquoi est-ce qu'il n'est pas sorti de l'islam? C'est parce que la soumission, il l'a encore. C'est quoi la soumission ici? Ce qu'on appelle « al-iltizamu al-mujmal ». Ça veut dire, lui, il te dit « Oui, moi, j'entre dans ce système-là, entre guillemets là, entre deux guillemets, qui est le système de l'islam, de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui dit entre autres que l'alcool, c'est une chose qui est interdite. Et j'accepte ce système-là. Malgré que je bois de l'alcool. Je bois de l'alcool, qu'Allah subhanahu wa ta'ala me pardonne, qu'Allah subhanahu wa ta'ala me guide. Je demande qu'Allah subhanahu wa ta'ala me pardonne. Je vais faire des bonnes actions pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala me pardonne. Ah, je sais que je ne mérite pas, peut-être qu'Allah subhanahu wa ta'ala va me punir. Ah, Inch'Allah, quand je vais grandir, je vais devenir une personne qui est meilleure. Et ainsi de suite. Mais, multazimun, il fait partie du système. Il ne s'est pas rebellé contre le système d'Allah. Il n'a pas dit, non, j'accepte pas que l'alcool, elle est, qu'elle soit interdite. Ah, je vais boire de l'alcool par défi, pour défier la religion d'Allah, seulement pour m'opposer à la religion d'Allah. Là, tu sors de la soumission vers le rébellion, c'est ce qu'on appelle Al-Kufr Billahi Azza wa Jal. Vous voyez la différence entre les deux? Donc ici, même quand une personne en passant, quand quelqu'un devient musulman, on va imaginer un être comme ça, une personne qui va entrer maintenant, il ne connaît rien de l'islam, rien du tout. Il a seulement entendu le mot islam. Il vient ici, il nous dit, expliquez-moi c'est quoi l'islam. On va lui expliquer seulement c'est quoi les bases de la croyance. Donc il a un minimum de connaissances. Il dit ça a du sens. Est-ce que tu crois en Allah? Monothéisme d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu n'adores que Allah subhanahu wa ta'ala, il va dire oui. Est-ce que tu crois en notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Il va dire oui. Mais quand on dit ashhadu anna Muhammadan rasulullah, c'est quoi? C'est, on parle ici, pas je témoigne du simple fait qu'il est le prophète, mais je témoigne qu'il est le prophète et je m'engage sur sa voie. Vous comprenez? Je l'aime et je m'engage sur sa voie. Voyez-vous? Et rappelez-vous, on avait mentionné l'exemple des gens du livre qui ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam que oui, on témoigne que tu es un prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala. N'est-ce pas? On connaît ta description, c'est dans nos livres et ainsi de suite. Mais malgré ça, on n'entre pas dans ta religion. C'est parce que si on va se joindre à ta religion, qu'est-ce qui va se passer? Les autres vont dire de nous que vous avez changé de religion. L'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait un poème pour dire que je témoigne que la religion de Mohammed c'est la meilleure religion de l'humanité. Et à sa mort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il insistait avec lui, il disait juste dis un seul mot, la ilaha illallah, juste dis la ilaha illallah maintenant à ta mort pour que je puisse avoir quelque chose pour te défendre le jour dernier. Et l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait tellement le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le défendait, c'est parce qu'il savait qu'il était sur la vérité. Mais malgré ça, il est mort en tant que mécréant. Qu'est-ce qui l'a empêché de devenir croyant? Il a dit non. Quraysh vont dire que moi je suis quelqu'un qui est un peu heureux et qui a changé sa religion, n'est-ce pas, aux dernières étapes de sa vie, ainsi de suite. Non, je veux garder mon image, que moi je suis parti des grands mouchidikins de Quraysh et ainsi de suite, l'iyadu billahi ta'ala. Et à cause de ça, il est mort en tant que mécréant, en tant que polythéiste. Pourquoi? Est-ce que lui, il avait la croyance? Oui. Mais il a refusé de s'engager dans la voie du prophète, alayhi salatu wasalam, qui est la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, quand quelqu'un se convertit à l'islam maintenant, à 11h09, il va se convertir à l'islam. Il ne connaît rien à part « Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ». Il doit croire en quoi exactement, selon vous? Parce que la croyance, c'est quoi? On avait mentionné, on avait oublié un peu de dire ça. Vous voyez que parfois j'ajoute des choses à droite et à gauche, je vais dire pourquoi. C'est parce que, comme j'ai dit, on se base sur un texte classique. Voyez-vous, les textes classiques ne sont pas des textes qui sont académiques. N'est-ce pas? Ça va à droite et à gauche et ainsi de suite. Donc parfois j'oublie, est-ce qu'il a déjà parlé de ça ou bien il va parler de ça plus tard et ainsi de suite. Donc je place des choses comme ça à droite et à gauche, mais tant qu'on apprend, Inch'Allah, on est sur la bonne voie. Quand on parle de la croyance, on doit croire en quoi en tant que musulman? Hein? Je rappelle, on avait dit que premier niveau de la foi, c'est quoi? C'est la croyance, c'est la racine de la foi qui commence avec les croyances et avec l'amour et la soumission. Okay? Cette croyance-là, quelle est cette croyance exactement? Comment la définir? On doit croire en quoi? Les six piliers de la foi, croire en Allah, les anges, les messages, les messagers, le jour dernier et la prédestination. Est-ce que c'est tout? Ça c'est après, mais commençons par ça. Est-ce que c'est tout? Est-ce que c'est toutes les croyances qui sont nécessaires? Ça veut dire si quelqu'un va dire je crois en tout ça et je crois pas en la punition de la tombe. Il n'y a pas de vie dans la tombe. Comment? De quelle façon? Parce que ça vient de la sunna, donc c'est tout pour le prophète depuis qu'est-ce que le prophète avait dit. Ok, salallahu alayhi wa sallam. Si tu crois, qu'est-ce qu'il dit? Tu crois à la tombe? Ok, très bien. Aussi, quand on dit le cinquième pilier, le jour du jugement, c'est-à-dire tout ce qui comporte après la mort. Quand on dit jour du jugement, il y a tout ce qui comporte. Ok, tu me parles du jour dernier, ça va inclure la tombe. Je ne suis pas d'accord avec toi, mais pour simplifier les choses, on va dire si quelqu'un dit « moi, je ne crois pas en les djinns ». Les djinns n'existent pas, ce n'est pas l'un des piliers de la foi. Les anges, non? Les anges, c'est une créature, les djinns, c'est une autre créature, ce n'est pas la même chose. Donc, si quelqu'un va dire « moi, je ne crois pas en les djinns, je ne crois pas en la punition de la tombe », est-ce que ça, c'est une foi que Allah l'accepte? Non. Non. Maintenant, le musulman qui vient de se convertir à 11h09, il est 11h11 et il va nous dire les djinns n'existent pas et la punition de l'atome n'existe pas. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va dire tu viens de sortir de l'islam? Et après ça, il va dire bon, je crois en tout ça et il va rentrer, après ça, il va ressortir. Après ça, il va rentrer. Non, pas comme ça que ça fonctionne, n'est-ce pas? Quand une personne rentre dans l'islam, s'engage, n'est-ce pas? Là, c'est deux choses. Elle s'engage à croire à toute croyance qu'elle va découvrir sur son chemin. Tant que ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala ou bien de son prophète alayhi salatu wa sallam. Donc c'est tout à fait normal que quelqu'un va dire « Non, j'ai jamais entendu parler de ça, de la punition de la tombe. Quand j'ai fait ma shahada, ils ne m'ont pas parlé de ça. » N'est-ce pas? On va lui dire « Ah, voilà les hadiths du prophète alayhi salatu wa sallam. » Là, une fois qu'il va voir les vérités, les preuves, là il va dire « Ah, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, et moi je m'étais déjà engagé initialement de croire en toute chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire, alors moi je crois en cette chose-là. » Il va dire « Non, les djinns ça n'existe pas. On n'a jamais parlé entendu parler de ça, les djinns, c'est une rigolade et ainsi de suite. » On va lui ouvrir le Coran, le Karim, on va regarde, il y a une sourate qui s'appelle la sourate de Al-Djinn. Les djinns, n'est-ce pas, ont cru en le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Certains, ils ont suivi Shaitan et ainsi de suite. Ah, je m'étais engagé initialement de croire que ce livre-là, c'est le livre de Dieu. Ça veut dire tout ce qui est à l'intérieur, c'est la vérité. Ça implique que maintenant, je dois croire en les djinns. Voyez-vous? La même chose. Est-ce qu'il doit connaître, par exemple, si c'est un frère, il vient de se convertir à l'islam, c'est un homme. Après deux jours, quelqu'un lui dit, bon, en islam, les hommes n'ont pas le droit de porter des bijoux en or. N'importe quelle chose qui est faite en or. C'est consacré, c'est réservé pour les femmes, c'est interdit pour les hommes en islam. Va dire, non, moi, j'accepte pas ça, etc., etc. Ça n'a pas de sens, c'est quoi de l'or, ça ne change rien, ainsi de suite. Là, va dire, ah, c'est parce qu'il y a un hadith du prophète, alayhi salatu wa sallam, qui nous dit que l'or, c'est interdit pour les hommes de ma umma. Ah, ok, puisque moi, je m'étais engagé initialement à me soumettre à la voix du prophète, alayhi salatu wa sallam, je viens de découvrir un nouvel aspect de cette voix du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, alors j'accepte ce système-là qui me dit que l'or est interdit sur les hommes. Peut-être que lui, il va quand même porter de l'or. N'est-ce pas? Mais il va savoir à ce point-là qu'il est en train de désobéir à Allah, que c'est un péché, qu'il doit demander le pardon d'Allah, faire le repentir et ainsi de suite. Mais il devra quand même se soumettre. Il dit oui. L'or, c'est interdit dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala sur les hommes. Est-ce que c'est clair? Vous êtes sûr? Tout le monde? Ok, khair. Taïb. On avait ici un autre argument de l'imam Abu Hanifa rahimahullah ta'ala qu'il avait utilisé, qui était quoi? Qui nous disait que la foi est composée seulement des croyances, c'est parce que si on va inclure les actions dans le concept de la foi, ça va impliquer que si les actions sont manquantes, la foi sera invalide. Ce qui est le madhab de... Non, écoutez-moi bien. Imam Abu Hanifa rahimahullah, son argument c'était quoi? Il dit, regardez, la foi c'est la croyance. Ça inclut pas les actions, ça implique les actions, mais ça n'inclut pas les actions. Pourquoi? Il dit parce que si on va admettre que la foi inclut en tant que concept les actions, ça voudrait dire que si les actions sont manquantes, sont imparfaites, la foi sera invalide. Ce qui est le madhab des... l'opinion des khawarij. Voyez-vous, donc il nous dit que, attention, faire ou bien inclure les actions dans le concept de la foi va nous mener au madhab de al-khawarij. De dire que celui qui a désobéi à ses parents, par exemple, il a failli à l'une des actions qui sont importantes et nécessaires dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, la foi sera invalide parce que vous nous dites d'inclure les actions dans la foi. N'est-ce pas? Et là, la réponse à cet argument, c'est quoi? Même si on va le détailler plus tard, Inch'Allah, on va voir une section sur ça. C'est de dire et d'expliquer à ces personnes-là qu'en réalité, la foi dans la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas un bloc. Il y a des choses dans la vie qui sont un bloc. Ça veut dire, si tu enlèves une composante, le tout sera inutile. Le tout sera inutile. Mais il y a d'autres composantes qui ne sont pas de la sorte, qui représentent des composantes en quelque sorte qui ont une certaine variation. Ça veut dire qui augmentent et qui diminuent. Comme une bouteille d'eau, comme de l'eau. Si on va te montrer, n'est-ce pas, on va te ramener par exemple cette bouteille d'eau qui est pleine, on va dire ça c'est une bouteille d'eau. Ça veut dire elle mérite d'être appelée bouteille d'eau. Ça veut dire tu le mérites, elle mérite d'être vendue à 1$ dans la machine d'or. Voyez-vous, c'est parce qu'elle est pleine, elle est remplie. Mais si tu vas enlever un tiers de l'eau qui est contenue dans cette bouteille-là, elle ne mérite pas, elle ne mérite plus d'être vendue pour 1$. Mais est-ce que ça veut dire pour autant qu'il n'y a plus d'eau? Non. C'est de l'eau qui est incomplète. C'est une bouteille d'eau qui contient de l'eau, mais qui ne contient pas toute l'eau qui est nécessaire. Et tel est l'exemple de la foi. La foi en tant que concept, ça augmente et ça diminue. Voyez-vous, il y a les racines de la foi, l'essence qui fait en sorte que la foi, elle existe ou bien elle n'existe pas. Mais une fois qu'elle va exister, elle peut augmenter jusqu'à atteindre son premier niveau qui est le niveau obligatoire. Là, elle mérite la foi. Si quelqu'un, il remplit ce niveau-là qui est obligatoire, on va lui dire, toi, tu es une bouteille d'eau. Toi, tu es un mu'min, n'est-ce pas? Tu mérites le titre de mu'min. Mais après ça, il y a le plus. Tu peux faire plus que ça et augmenter encore plus dans ton iman pour arriver jusqu'au niveau de Al-Ihsan. Voyez-vous, donc cet argument-là qui dit que la foi, c'est un seul bloc, si tu enlèves une partie, le reste ne sert plus à rien, il est faux. C'est un argument qui est faux et c'est de là qu'on va avoir la dérive de Al-Murji'a qui font sortir les actions de la foi, ainsi que la dérive des khawarij, qui vont inclure les actions dans la foi, mais qui vont dire que, ah, parce que tu viens de manquer à l'une des bonnes actions, t'es out de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est clair? Il y avait une question? Oui. Est-ce que la foi peut diminuer jusqu'à disparaître? Est-ce que la foi peut diminuer jusqu'à disparaître? En théorie ou en pratique? C'est parce qu'en théorie, oui, si on va dire que si quelqu'un, comme les savants ont dit, si quelqu'un... il va dire, moi j'ai le iman dans mon cœur, n'est-ce pas? J'ai la source qui est la croyance et qui est la soumission et l'amour. Mais tout au long de ma vie, je ne fais jamais de bonnes actions. Ça veut dire le niveau des actions en tant que tel est inexistant. En théorie, cette personne-là n'est pas un mu'min, ne peut pas être un croyant. Mais en pratique, c'est un exemple qui ne sert à rien. C'est parce qu'on ne peut pas imaginer que quelqu'un va vivre comme ça une vie, plusieurs années, va dire « Moi, j'ai le iman dans mon cœur, j'aime Allah, subhanahu wa ta'ala, je me soumets à la voix du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ainsi de suite. » Et pendant toute sa vie, même pas une fois, il va dire une fois « Subhanallah ». Même pas une fois, il va donner un don de 1 dollar, n'est-ce pas? Ça ne se peut pas. Quelqu'un qui a déjà fait des actions, et après ça commence à baisser jusqu'à un jour. Là, regarde, si quelqu'un faisait des bonnes actions avant ça, ça veut dire quelqu'un qui est déjà entré dans l'islam. Okay? Tant que la personne elle est musulmane, Allah subhanahu wa ta'ala garde encore sa récompense pour ses actions. Maintenant, la foi peut diminuer à cause des mauvaises actions. La foi, elle diminue, elle diminue, elle diminue, elle diminue. Mais même si elle diminue, il est encore un croyant jusqu'au jour où il va commettre ce qu'on appelle Nawaqidu al-Islam. Ça veut dire quelque chose qui va le faire sortir de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en général, ces choses-là reviennent à l'une des trois composantes des racines de la foi qui sont croyance, amour ou soumission. En général, pour sortir de l'islam, il faut faire quelque chose qui va à l'encontre de l'une de ces trois choses-là. Ça veut dire soit rejeter l'une des croyances évidentes de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme on l'a mentionné. Quelqu'un il va dire, moi je ne crois pas en l'existence de la punition de la tombe. Même s'il va voir les évidences et les preuves, etc. Quelqu'un va dire, moi je ne crois pas en l'existence de Al-Jinn. Ce n'est pas vrai les djinn. Tu vas le dire, mais Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, le Karim, etc., etc. Tu vas le mettre face à la réalité. Tuqimu alayhi al-hujja. Il dit, regarde, c'est dans le Coran. Qu'est-ce qu'il va te dire? Soit qu'il va dire, ça c'est pas le Coran. Ça veut dire, c'est clair qu'il est sorti de l'islam. Ou bien il va te dire, je crois en tout le Coran sauf ces versets-là, n'est-ce pas? Ou bien il va te dire, ces versets-là, je ne suis pas d'accord, et ainsi de suite. Ça veut dire, si tu le contrains, tu le mets face à la réalité, il n'aura d'autre choix que soit de revenir vers la vérité ou bien de quitter l'islam en rejetant l'une des croyances fondamentales de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou bien quelque chose qui va à l'encontre de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala ou bien de la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Comme on l'explique plusieurs fois, l'un des nawaqid de l'islam, une des choses qui font sortir la personne clairement de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est si quelqu'un il insulte la religion d'Allah, il insulte Allah subhanahu wa ta'ala, il insulte le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est parce que l'essence de la religion en tant que telle, c'est quoi? C'est de vénérer Allah subhanahu wa ta'ala, ta'zimullahi azza wa jal. Et y a-t-il quelque chose de plus contradictoire à cette essence de la religion que d'insulter Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va à 180 degrés comme une chose qui est pareille? Non. Voyez-vous, donc cette personne-là, elle sort de l'islam. Donc en général, pour que la personne sorte de l'islam, ça va être l'une de ces trois composantes que la personne va faire de façon qui est directe ou bien indirecte à travers soit des paroles ou bien des actions ou autre chose. Mais oui, si la personne, elle diminue dans son iman, dans sa foi à travers des mauvaises actions, comme les ulama, ils disent « al-ma'asi baridu al-kufr ». C'est pour ça que les savants, ils disent « les péchés sont la voie vers la mécréance ». Parce que si quelqu'un commet un péché, son iman il descend, et il descend, et il descend, et il descend en permanence, et il ne travaille pas pour faire augmenter son iman, il ne fait pas de tawba, et ainsi de suite, le iman descend, descend, descend, à un certain moment donné, il va être proche de quoi? Des racines, n'est-ce pas? À un certain moment donné, le shaitan va travailler sur ses racines maintenant, ça veut dire le poison va commencer à manger ses racines, n'est-ce pas? C'est comme quelqu'un qui a une maladie, parfois on doit, n'est-ce pas, on doit amputer ses pieds par exemple ou autre chose. Pourquoi? Pour éviter que le mal ne s'étend pour arriver aux parties qui sont plus sensibles du corps de la personne qui pourraient mener en quelque sorte à son décès. Vous voyez donc, le poison, ça veut dire le poison des mauvaises actions et ainsi de suite peut manger le iman, il mange et le iman il diminue, mais à un certain moment donné, ce poison-là va être proche des racines, voyez-vous. C'est pour ça que en général, la personne, le shaitan ne va pas appeler une personne qui a un iman haut comme ça, il ne va pas l'inviter à faire le kufr billah azza wa jal. Impossible. Le shaitan va l'inviter à telle chose et telle chose, on ne va pas entrer dans les détails, mais après ça, il va arriver jusqu'à ce qu'il va il va par exemple arriver à une étape où il va l'inviter à commettre les péchés mineurs. Une fois qu'il va s'habituer aux péchés mineurs, il va l'inviter aux péchés majeurs. Après les péchés majeurs, il va l'inviter aux innovations majeures. Et après les innovations majeures, n'est-ce pas, il ne lui reste plus rien que de commettre la mécréance. Non. Ok. Un dernier argument, inshallah ta'ala, de ce que l'imam Abu Hanifa, rahimahullah ta'ala, il a mentionné. C'est quand il nous mentionne la question de ce qu'on appelle al-atf. Al-atf, je ne sais pas si ça existe, si on a un mot pour traduire ça en français, mais je vais l'expliquer d'une autre façon. Al-atf, c'est quand on a, par exemple, une conjonction de coordination, comme « et », n'est-ce pas? J'ai vu Mohamed et Ahmed. C'est ce qu'on appelle al-atf. Donc, à la règle en général, les savants ils disent « al-atf yaqtadi al-mughayara ». Quand on a une telle conjonction de coordination, ça implique une certaine distinction, de faire un mur. Ça veut dire « j'ai vu Mohamed et Ahmed », ça veut dire « ça, c'est deux personnes qui sont différentes ». C'est parce que normalement, si Mohamed il avait un autre prénom qui était Ahmed, on ne va pas dire « j'ai vu Mohamed et Ahmed », je dirais plutôt « j'ai vu Mohamed qui s'appelle aussi Ahmed » ou bien « j'ai vu Mohamed Ahmed ». Voyez-vous, mais quand je dis « Mohamed et Ahmed », normalement, je vais déduire que c'est deux personnes. Donc là, l'imam Abu Hanifa, rahimahullah, il dit « puisque dans le Coran, ça nous dit fréquemment la foi et les bonnes actions. Inna alladhina amanu wa amilu salihat. Amanu wa amilu salihat. Ceux qui ont le iman et font les bonnes actions, ça implique qu'on a un mur. Ce et, cette conjonction de coordination, ce waw, va constituer un mur qui va distinguer entre la foi et entre les bonnes actions. Ça veut dire tu es mu'min et après ça tu vas avoir les bonnes actions. La réponse est de dire quoi? C'est de dire que ça, ce n'est pas nécessairement vrai. La conjonction de coordination n'implique pas dans toutes les situations la distinction entre deux choses. Parce qu'on peut avoir d'autres formes. On va mentionner des exemples. Ce que ça peut mentionner, ça peut nous indiquer ce qu'on appelle « at-talazum », le lien. Regardez, Allah subhanahu wa ta'ala dit par exemple dans le Coran al-Karim, Ati'u Allah wa ati'u ar-Rasul. Obéissez à Allah et obéissez au messager. Alayhi salatu wassalam. Je répète encore une fois. Obéissez à Allah et obéissez au messager. Est-ce que là, ce « est », est-ce qu'il nous crée un mur dans cette situation-là, dans cet exemple-là? Non. C'est parce que l'obéissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que c'est autre chose que d'obéir à Allah? Non, c'est pour ça que dans l'autre verset, man ata'a ar-rasul faqad ata'a Allah, celui qui obéit au messager, il a obéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit obéissez à Allah et obéissez au messager, n'est-ce pas? L'obéissance au messager alayhi salatu wasalam fait partie de l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand quelqu'un obéit à Allah subhanahu wa ta'ala, il a aussi obéi au prophète alayhi salatu wasalam. Voyez-vous donc? Ici, on a un exemple de « et », de « waw », qui ne fait pas, qui n'implique pas nécessairement que ces deux entités qui sont séparées. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit par exemple « Man kana aduwa lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibrila wa mikal » Celui qui est un ennemi de Allah subhanahu wa ta'ala, de ses anges, écoutez bien, de ses celui qui est un ennemi d'Allah et de ses anges et de ses messagers et de l'ange Jibril et de l'ange Mikaïl. Est-ce que on a un mur entre toutes ces entités? Non. C'est parce que Jibril et Mikaïl font partie des anges. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit, celui qui est un ennemi d'Allah et des anges et des messagers et de Jibril et de Mikaïl. C'est ce qu'on appelle ici Atfu al-Khasi ala al-Am. C'est qu'on commence avec quelque chose de général et après ça on va mentionner un exemple spécifique à cause de son importance. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit Hafidhu ala salawati wa salati al-wusta. Préservez, respectez vos salawat. Les salawat c'est combien? C'est 5. Et la salate qui est al-wusta, la salat médiane, qui est laquelle? Salat ou al-asr. Donc quand Allah subhanahu wa ta'ala dit respectez vos prières, on a combien de prières? 5. La troisième, c'est Al-Asr. Donc ça inclut ici l'ordre de respecter l'horaire de la prière de Asr. Mais après ça, Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Et la prière médiane, qui est la prière de Asr. Pourquoi est-ce qu'elle est répétée? Est-ce que c'est deux entités? Non. Là, c'est ce qu'on appelle encore une fois Atful Khasi ala al-Am. C'est qu'on mentionne, on va mentionner un exemple, une partie d'une entité générale, on va la mentionner une deuxième fois pour son importance, pour mettre de l'emphase. N'est-ce pas? Fais tes prières et la prière de Asr. N'est-ce pas? Un père va donner un conseil à son fils aîné. Un père qui a 5 enfants va dire un conseil, va donner un conseil à son fils aîné, parce que le père va partir en voyage. Va dire, prends soin de tes frères et de tes sœurs. N'est-ce pas? Et de, mettons, Aïcha. C'est qui Aïcha? C'est la plus jeune. N'est-ce pas? Elle a 3 ans. Le père a plus et plus inquiet pour elle. C'est la plus jeune. Elle a besoin de plus de soins. Il va dire quoi? Prends soin de tes frères et de tes sœurs. Et de Aïcha. Pourquoi et de Aïcha? C'est pour mettre de l'emphase sur l'importance de Aïcha. Bien que Aïcha était déjà inclus dans les autres avant ça. Vous comprenez? Donc, la conjonction de coordination, le « et » ou bien le « waou », c'est pas vrai que ça inclut nécessairement la différence entre et la distinction entre deux entités. Donc, comment expliquer que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Inna alladhina amanu wa amilu salihat » que ceux qui ont l'iman et qui font les bonnes actions, comment comprendre ce verset? On peut le comprendre de deux sortes. Soit que ici Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'on doit avoir le « iman », mais pour que les gens ne comprennent pas que le iman c'est seulement dans le cœur, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne séparément les bonnes actions pour mettre de l'emphase sur l'importance des bonnes actions, que le salut auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala requiert les bonnes actions. Ça c'est l'une possibilité. Une autre possibilité plus complexe, c'est quoi? C'est que le iman prend son sens dépendamment du contexte dans lequel il est utilisé. Ça veut dire quand le iman est combiné avec les bonnes actions, il va avoir un sens qui est différent que quand le iman est mentionné tout seul. Et ça, ça sera notre prochaine section, inshallah ta'ala. Iman et islam. Donc ça, on va l'expliquer lors de notre prochaine section. Bi-idnillahi subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayka.